les écrivains se moquent. Bienvenue à l'émission Bouquins et Confidences avec Julie Collin au micro avec vous pour la prochaine heure. Bouquins et Confidences, c'est tout simple. Pendant une heure, on discute des coulisses du monde du livre. Et pour m'accompagner cette semaine, j'ai Marie-Hélène Vaugeois. Bonjour Marie-Hélène. Allô Julie. Bonjour, donc tu es propriétaire de la librairie Vaugeois. Oui, exactement. Exactement. Elle est située où cette librairie-là? Elle est sur 1300 Avenue Maigroire, donc dans l'ancien Sillery. OK. Et j'ai vu qu'elle était fondée depuis 1974. Oui, exactement. En fait, c'est ma mère qui l'a fondée. C'était pas moi. J'étais un petit peu trop petite. Ben, c'est ça que j'allais dire. ma mère l'a fondée donc en 1974. Déjà, elle était située au 1300 Avenue Maigroire. Après ça, elle a déménagé. Je compterai peut-être l'histoire plus tard. Ben, de toute okay. l'histoire. Okay. Donc, ma mère, ben, qui avait une formation d'infirmière à la base, qui a eu 4 enfants en 1974. Donc, moi, je rentrais au primaire. Ma sœur avait 4 ans. Puis là, je pense qu'elle avait envie de retourner au marché du travail, mais plus mes frères et sœurs étaient beaucoup plus vieux. On est comme deux batchs chez nous. Okay. Et donc, là, elle, il y a eu ce local-là qui s'est libéré, puis qu'elle a eu envie d'ouvrir une librairie, tout simplement. Probablement sans savoir ce que ça impliquait. C'est quand même drôle, ça. Comme, oui, tout à fait. J'imagine que c'est une grande lectrice à la base. Oui, sur, ben, oui, oui, tout à fait. C'était quelqu'un qui fréquentait probablement d'autres librairies. Librairies, tout à fait, puis qui était intéressée par la culture, puis qui était intéressée. Donc, ça s'est un peu imposé d'elle-même. Je pense quand elle s'est demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais c'est ça. C'est vraiment, ça a été sa manière de retourner sur le marché du travail. Ce qui était sûr, je pense qu'elle aimait ça être infirmière, mais là, ça faisait probablement trop longtemps qu'elle avait arrêté ou il faudrait lui demander. Je n'ai jamais demandé. Sais-tu que non? C'est fou, hein? Oh là là. Moi, je pensais que tu nous dirais tout. Quand tu réalises toujours que j'ai le temps de le demander, puis un jour, on l'a plus. Moi, des fois, on y pense pas nécessairement non plus. Ça, j'imagine que vous parlez d'autres choses que de librairie. Oui, hein? Ben non, on en parle quand même pas mal. Je te dirais que c'est un sujet pas mal important dans la maison. Toi, tu l'as repris quand, la librairie? Ben en fait, ça, c'est la question que je suis incapable de répondre parce que, ben, elle est encore propriétaire avec moi. Je suis propriétaire avec elle et ma plus jeune sœur, Marie-Claude, qui a, juste à côté de la librairie, il y a une papeterie. Et on est propriétaires, les trois. Ça, si je me souviens bien, ces données-là ont changé il y a 3 ans, nos pourcentages. Mais dans le fond, depuis que je suis toute petite, j'ai un petit pourcentage en librairie, tu sais. Puis c'est plus mon implication qui a évolué dans le temps, parce qu'évidemment, bon, en 1974, j'avais 6 ans, donc non, je ne travaillais pas à la librairie. Non! Non, je te jure! Mais j'y passais pas mal de temps parce que ben, ma mère travaillait, hein, donc il n'y avait pas de garderie à l'époque, il y avait pas de... Donc j'ai passé quand même pas mal de temps, puis c'était quand même un lieu super le fun parce qu'il y avait des cachettes, puis il y avait des toutous, puis il y avait, en tout cas, c'était vraiment vraiment cool de jouer dans la librairie. Vous pouvez pas vous imaginer, il y avait des passages secrets qu'il y a juste moi qui connais. Donc c'était des passages secrets qui existent encore. Qui existent oui, mais écoute, c'est très drôle parce qu'en fait, donc la librairie était au 1300 Avenue Maigroire en 74. Je me souviens plus en quelle année, mais elle a déménagé au 1354. Dans une ancienne banque. Ça aussi, c'était vraiment cool parce qu'il y avait... Le bureau était dans une voûte. Et bon, donc, l'autre local... Et on est revenu au 1300 Maigroire, mais à ce moment-là, le local était refait complètement. Mais quand on va dans la cave, il y a encore des relents de l'ancienne époque. Donc, moi, je sais que ça, c'était la petite fenêtre dans laquelle je pouvais passer puis me rendre dans la section jeunesse. Mais vous pouvez plus faire... mes petits chemins secrets. C'est que c'est vraiment des confidences de dans le temps. Là. Et c'est vraiment cloîtré maintenant. Mais là, tu dis que c'est difficile pour toi de dire quand est-ce que tu l'as repris, mais ton implication est un peu plus sérieuse. Est-ce que tu travaillais là pendant tes études? Bien, j'ai commencé à 16 ans, donc à temps partiel, comme tout le monde de 16 ans qui commence à travailler. Donc, je commençais là à temps partiel. Et donc, tout le long, ben, la fin de mon secondaire, début de mon cégep, pendant mon université aussi. À la fin de mon université, j'ai travaillé à l'Industrielle Alliance quelques mois. J'étais en audiovisuel. Puis après ça, là, j'ai travaillé un peu aux éditions de Septentrion qui appartenaient à mon père et à la librairie en même temps. Après ça, quelques temps plus tard, je suis partie vivre à Londres quelques mois. Et c'est quand je suis revenue que là, la librairie s'est comme un peu imposée à moi. Je savais que j'avais pas envie de continuer dans l'édition. Là, c'était plus clair que j'avais envie de rester en librairie. Et donc là, j'avais à peu près 23-24 ans. Puis là, ben, tranquillement, j'ai de plus en plus de tâches qui m'étaient assignées. Puis quand même, je pense qu'en plus, quand je suis revenue de Londres, on avait besoin de personnel aussi. Tout tombait bien. Donc, là, et c'est, tout s'est fait graduellement. Donc, je suis pas capable de dire en telle année, je suis devenue gérante, en telle année. Puis, il n'y a jamais eu de titre comme ça. C'est juste, bon, ben, toi, tu vas faire ça de plus. Toi, t'occuper de la comptabilité, de la tenue de livre. Puis, tout arrivait par petits morceaux au moment où ça devait arriver, dans le fond. Donc, c'est pour ça que c'est dur de dire, ah, en 92, il est arrivé telle chose, en 94. Puis, je suis pas super bonne dans les dates, finalement. Oui, mais déjà de dire que c'est quand tu es revenu de Londres, ça s'est comme plus imposé. Ouais. Est-ce que ton père avait déjà la maison d'édition à ce moment-là? Oui, le Septentrion, il l'a eu. Oui, parce que tu vois, avant de partir pour Londres, j'avais travaillé un petit peu. Mais c'était vraiment les débuts de Septentrion. Okay. J'ai dû faire. Je faisais de la lecture de manuscrits, surtout pour eux autres. Okay. Puis ça, je l'ai fait quelques mois, là, en 88, 80. Non, plus tard que ça, 91, 92. Là. Okay. Donc la librairie est arrivée avant la maison d'édition? Oui, vraiment beaucoup. Oui, okay. Oui. C'est que dans le fond, ta mère n'a pas été inspirée par ton père. Pas du tout. Ben, à la limite, mon père avait déjà été éditeur parce qu'il avait fondé le Boreal Express, mais c'est. Je pense pas que l'un ait un impact sur. Ben, en tout cas, je pense sûrement un peu, dans le fond. Là. Faudrait que tu leur demandes, finalement. Vrai, je pense que je suis due pour une très, très bonne conversation avec mes parents. Ou je les inviterai. Oui, ben ça serait une très bonne idée aussi. C'est que toi, dans le fond, vous êes une équipe de combien de personnes à la librairie? Cinq maximum. OK. Même pas, cinq avec ma mère, qui vient quand même encore à tous les jours. Puis, ta mère vient à tous les jours? Vient à tous les jours, oui, vraiment. Elle vient pas nécessairement 8 heures dans la journée, mais elle vient à tous les jours encore faire son tour, vérifier des affaires. Oui, elle est encore assez présente. OK. Puis là, je dirais pas son âge à la radio. Non, on peut dire qu'elle a fondé quand même une librairie il y a presque 45 ans. Exactement. Puis elle avait des enfants. Qu'elle avait des enfants, c'est ça. C'est tout ce qu'on va dire. C'est qu'on peut deviner, on peut essayer de deviner un âge, je ne le sais pas. C'est quoi les qualités d'un bon libraire? Bien, je pense que c'est d'être à l'écoute, première chose. C'est vraiment puis de ne pas vouloir imposer ses choix, mais de bien comprendre les besoins de la personne qui est. J'ai beau triper sur un livre, mais c'est pas vrai que tout le monde va l'aimer comme moi je l'ai aimé. Donc vraiment, tu sais, quand quelqu'un nous dit je veux un livre drôle, ben si on vient de lire un drame, ben c'est pas le moment de le conseiller. Ça a l'air simple dit comme ça, là, mais. Ouais. C'est vraiment la base. Et puis de dire, bon, je le veux pour un enfant de 9 ans qui aime pas lire, ben peut-être c'est pas le moment de sortir Tolkien. je pense que la première, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce que les gens veulent. Probablement d'aimer les gens, ça c'est sûr aussi, parce que ça, c'est une grosse partie de notre travail. Puis, bien, de lire, c'est sûr et certain, mais au-delà d'aimer lire, puis de lire beaucoup, d'être capable de s'informer, parce que avant l'entrevue, tu m'as sorti ta liste de questions, puis évidemment, tu as l'éternelle question, as-tu le temps de tout lire? Non. Oui, bien, souvent, c'est quelque chose que les gens pensent. Moi, je le savais que c'était pas le cas, parce que, quand même, je suis blogueuse aussi, littéraire, je sais très bien qu'on passe pas au travers de tout ce qui sort dans une année, déjà, c'est impossible. Donc, lire tout, c'est un de mes drames de vie. Quand j'étais enfant, la journée où j'ai réalisé que je lirais pas tous les livres, ça a été difficile. Ben oui, ben moi, je me souviens. C'est drôle, je racontais cette anecdote-là cet après-midi parce que je me souviens d'une nuit blanche que j'ai passée parce que j'ai eu cette réflexion-là de dire j'aurais jamais assez de ma vie pour tout lire. Mais j'ai vraiment passé ma nuit blanche à angoisser sur le fait que j'aurais jamais le temps de tout lire, mais sans lire un mot du livre. J'aurais pu au moins en profiter pour prendre un livre puis avancer un peu dans ce projet inatteignable. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Mais donc, sérieusement, non, on n'a pas le temps de tout lire. Mais il faut être capable d'avoir une opinion sur même ce qu'on lit pas, de savoir à qui va s'adresser, puis d'être aussi capable d'avoir une opinion sur ce qui nous intéresse moins, parce que c'est pas tout qui nous intéresse aussi, tu sais. Donc, d'être capable de dire, ben, OK, ça m'intéresse un peu moins, mais si le sujet m'intéressait, c'est ce livre-là que je lirais, parce que souvent, ben, nous autres, les maisons d'édition sont souvent un bon indice de la qualité d'un livre dans un tel sujet, mais donc de servir des informations qu'on a pour être capable de justement mieux servir le client. Mais tu sais, puis pour revenir, on n'aura jamais le temps de tout lire. C'est il y a 2-3 ans, il y avait quelqu'un qui travaillait au libraire, puis qui avait comme sorti, bon, ben, il y a 365 romans qui sortent cet automne en France. Donc, si je voulais tous les lire, il faudrait que j'en lise 2 points. T'sais, je sais plus c'était combien par jour, mais c'était tellement ridicule que ça devient évident quand on se met à regarder. Mm-hmm. Ah ben non, c'est vraiment impossible. Puis là, c'était juste du roman, puis c'était juste du français. Donc, t'imagines si tu rajoutes l'étranger, le québécois. Le... Oui, puis les autres types de livres aussi. Là. Ben, l'automne passé, il y avait 591 livres en français. Exactement. T'sais. 591. J'en avais parlé, j'avais fait une chronique là-dessus. Là. C'est quand même, c'est assez intense. Mais ce qui est fou aussi, c'est Bernard Gilbert, qui faisait de la radio ici, qui était directeur de la Maison de littérature, qui travaille maintenant pour le Diamant, m'a déjà raconté. À l'époque, il faisait de la radio, il y avait une émission littéraire, donc à CKRL. Et il me dit, quand on a commencé l'émission, donc dans les années 70, on lisait tout ce qui sortait en québécois, parce que leur émission, on n'était que sur la littérature québécoise. Il dit, on était capable de tout lire. Quand ils ont arrêté l'émission à la fin, je pense, des années 80, il dit, là, on commençait à plus être capable de tout lire dans une saison. Comme quoi, puis aujourd'hui, on pourrait même pas penser faire ça. Non, c'est même plus envisageable. Donc, oui, c'est vraiment impressionnant. Alors ça prend même une grande équipe, c'est quand même, c'est du boulot, là, de tous les... Oui, c'est ça, exactement. Puis après l'avoir tout lu aussi, il faut qu'il y a de tout en parler, hein, c'est que... ça, c'est un autre défi aussi, parce que j'imagine que tu lis pas de la même façon qu'un lecteur... Mais j'essaye en même temps, parce que je pense qu'il faut que, quand je lis, il faut que je me mette dans la peau d'un lecteur un lecteur normal, dans le fond, parce que c'est drôle parce que moi, j'ai étudié en cinéma, j'ai pas étudié en littérature. Puis je me souviens qu'à un moment donné, pendant mes cours de cinéma, j'étais plus capable d'aller voir des films parce que je commençais à analyser les plans puis tout. Donc, quand je lis ou non, j'essaie de continuer à être cette lectrice normale-là. Mais c'est sûr que si je sais, comme quand je collabore à l'émission Les bouquins d'abord, si je sais que je dis à Barbel, je vais parler de tel livre, c'est sûr que là, il faut que je pense que j'ai une chronique de 7 minutes à faire. Donc, déjà, c'est autre chose. Tu sais, quand on fait un billet de blog, à un moment donné, je tenais un blog. Je sais que si je veux écrire un mille mots sur un livre, ben il faut que je réfléchisse pendant ma lecture sur ce que je vais vouloir écrire. Oui, puis des fois, il faut prendre des notes pendant la lecture. Exactement. Mais ça, tu vois, j'ai jamais été bonne là-dedans. Non? Non, mais je me mets... Non. Après, par exemple, je refouille, puis j'ai une très bonne mémoire visuelle, donc je sais à peu près où il faut que je fouille mes affaires, là, mais pendant ma lecture, j'essaie de ne pas prendre de notes. Ben moi, je... Mais je te comprends, ça doit aller bien. Les numéros de page, surtout. Je ne prends pas nécessairement des grandes notes, mais des fois, je vais noter un numéro de page pour que je retourne à cette page-là. Je prends quand même quelques notes sur mon petit signet papier, là. Non, mais moi, je plie mes pages. Oh! Je sais! J'ai mal! Mais non, ça le rend sympathique. Moi, j'ai une autre théorie, d'ailleurs, qui est... Mais ça, c'est une ancienne employée de Sylviane. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on mouillait tout le temps nos livres. Ils tombaient dans le bain, on traîne dans notre sac, on est dehors, il y a une grosse pluie, la pluie traverse le sac, la pluie... Alors, c'était là, plus que le livre est bon, plus qu'il est mouillé, puis plus qu'il est magané. Donc, depuis ce temps-là, je me sens plus jamais mal de briser un livre. Je te regarde. Il faudrait voir vraiment mes yeux et ma face. Oui, en tout ce moment. À fait. Ça vaudrait une photo, là. Ben oui, sauf que c'est ça. On est à la radio. Ouais. Mais j'étais longtemps très méticuleuse. Faut pas que je le brise. Puis faut que j'y fasse attention. Puis à un moment donné, je sais pas si. Probablement à force d'échapper mon livre dans un bain ou autre. J'ai appris à faire bon ben. Mais moi, je me force même pas. Il me semble que c'est naturel que je prenne soin de mes livres. Mais pour revenir à ton travail, est-ce que tu lis au bureau? Est-ce que tu lis dans la librairie? Jamais. Parce que ça aussi, ça fait partie des choses que les gens pensent des fois. Si je travaille dans une librairie ou si je travaille dans une bibliothèque, j'aurai le temps de lire. Je vais être le fun, puis je vais être bien entourée. Puis oui, tout à fait. Non, on a zéro temps pour lire. Parce que là, il faut comprendre que là, on vient de le dire à quel point il y avait une grosse production. Il faut les recevoir, ces livres-là. Donc, il faut les réceptionner. Une fois qu'on les a... Puis, on a ce qu'on appelle une période d'essai. En fait, on reçoit les livres, les nouveautés en office. Qu'est-ce que ça veut dire? En office, ça veut dire qu'on a le droit de les essayer. En fait, on les a pendant un an. Après un an, on a le droit de les retourner. Dans cette année-là, en fait, on a le droit de les retourner chez le distributeur. Puis là, ils vont nous créditer les livres. Donc, donc, il faut réceptionner ces livres-là, mais aussi, il faut en retourner. Parce que sinon, il faut comprendre aussi que malheureusement, l'espace s'agrandit. Malheureusement pas, ça serait merveilleux, mais ce n'est pas la réalité. Donc, il faut aussi, à un moment donné, élaguer la librairie, puis reprendre les livres qui n'ont pas marché et les retourner chez le distributeur. Donc, juste ça, c'est une grosse partie de notre travail, c'est une grosse partie de notre journée. Puis... plus tout le reste, plus nettoyer, plus reclasser les choses, plus... Servir les clients aussi, hein, servir les clients, bien, tout ça, c'est la première chose. C'est le, j'ai envie de dire, le reste est là pour nous occuper quand les clients ne sont pas là. Mais donc, oui, effectivement, il faut surtout servir les clients, puis c'est la première. Puis, donc, être disponible malgré tout ce qu'on a à faire. Puis pas se faire, ah, ben là, attendez, il faut que je finisse ma boîte. Ça, je finis de placer ces livres-là, puis je vous reviens. Exactement. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein? Non, pas tellement, non. Donc, tu n'as pas vraiment le temps de lire au travail. Toi, ta routine de lecture, ça ressemble à quoi pour que tu réussisses à lire malgré tout? Ben, j'essaie de lire beaucoup avant de me coucher. Avant, je te dirais que c'était pour moi tout à fait normal de me coucher, lire une demi-heure, une heure. Ça dépend beaucoup du livre que je suis en train de lire. J'avoue, bien humblement, que je trouve ça de plus en plus difficile de lire avant de me coucher. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, le sommeil vient plus vite aussi. Mon sommeil est meilleur, dans le fond. C'est bon pour ma santé. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. Donc, j'ai de la misère présentement à retrouver du temps de lecture. Mais là, je me dis, je vais lire le matin. Mais le matin, il y a tout le temps trop de choses à faire. Mais donc, oui, je m'arrange. Là, il faut que j'apprenne peut-être à me coucher plus tôt. Je sais pas. Mais oui, donc, c'est ma routine de base, c'est avant de m'endormir. OK. Qu'est-ce que c'est une librairie indépendante? Puisque toi, c'est ça que tu as, une librairie indépendante. C'est quoi la différence? C'est quoi une librairie indépendante? Bien, une librairie indépendante, première chose, ça a un propriétaire. Ben là, je vais mettre unique, là, les gens ne voient pas les guillemets que je fais à la radio. Mais donc, propriétaire unique, mais pas, ça peut être un groupe de propriétaires, mais c'est pas un groupe financier, en fait. C'est un peu la différence. Et il a surtout une seule librairie, ou deux ou trois, mais je pense que c'est à cinq qu'on commence à plus parler d'indépendant. Donc, c'est en fait, c'est une librairie indépendante, c'est une librairie qui a des vrais propriétaires. Et aussi, même s'il y a cinq succursales, il faut que chaque succursale soit gérée indépendamment des autres. Okay. Ça, c'est super important aussi. Donc, c'est ça, c'est des propriétaires, en fait, c'est des vraies personnes, on va dire ça comme ça. Même si, bon, Renaud Bré aussi, c'est une vraie personne qui est propriétaire. Donc, et souvent, c'est des gens qui vont travailler dans leur commerce aussi. Donc, la première différence d'une librairie indépendante, c'est que c'est pas une chaîne, donc il n'y en a pas. On en trouvera pas partout au Québec ou dans le monde. Et c'est ça. Donc, puis aussi, ça a une indépendance de, j'ai envie de dire, d'esprit. Donc, ce que nous, on va aller retrouver chez nous, qui va être mis en évidence, ça va être mes choix, les choix de mon équipe, les choix. Ça va être vraiment une librairie qui va nous ressembler. Mais si vous allez dans une autre librairie de la ville, vous allez voir complètement d'autres choses. Moi, d'ailleurs, j'adore aller dans les autres librairies. Ah, ouais, je l'avais pas vu, ce livre-là. Puis, et je trouve ça vraiment super intéressant présentement. On a vraiment tous, en tout cas à Québec, là, c'est vraiment fascinant de voir à quel point chaque librairie a sa personnalité. Puis, on voit la personnalité des libraires. Je pense qu'il y a ça aussi dans la librairie indépendante, c'est que tu vas voir les choix des employés qui vont être mis en évidence, qui ne seront probablement pas vrais dans une chaîne, qui va être plus allé dans les best-sellers de... Mm-hmm. C'est ça. OK. Puis toi, tu dirais que c'est quoi la personnalité de ta librairie? Mais nous, on essaie de beaucoup mettre l'emphase sur la littérature québécoise. Pour nous, c'est super. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, ça semble une évidence, mais à l'époque, quand on a ouvert la librairie, ça a toujours été la mission de la librairie. Puis je te dirais que c'était moins évident. Aujourd'hui, la librairie, heureusement, la littérature québécoise est à la mode, mais ça n'a pas toujours été vrai. Et on continue à essayer de la mettre plus en évidence, tu vas rentrer le présentoir des nouveautés québécoises est avant les nouveautés étrangères. T'sais, déjà, okay. C'est un choix quand même un peu osé, puis ils sont séparés aussi. Okay. D'ailleurs, si je me souviens, là, le premier 12 août qu'il y avait eu, qui n'était pas encore... Qu'est-ce que c'est, le 12 août? Mais le 12 août, c'est... Merci, c'est vrai, parce que pour moi, c'est une évidence. Oui, c'est ça, mais des fois, c'est pas évident pour tout le monde. Il faut réexpliquer, oui. Donc, le 12 août, c'est une journée qui est née, je pense que c'est sa cinquième année cette année. De deux auteurs qui ont eu envie tout simplement de dire aux gens, OK, on achète un livre québécois. Et ils ont choisi une date un peu au hasard. Quand on connaît l'histoire, c'est la date où un des deux auteurs a appris qu'il allait être publié. Et donc, c'était le 12 août. Et ils ont invité les gens à acheter un livre québécois ou deux ou trois. Et donc, ou quatre ou cinq, autant que vous voulez. Là, dans le fond, il n'y a pas de limite à acheter un livre québécois. Et donc, la première année, évidemment, on voyait un peu le mouvement venir. Il y avait quand même, je ne sais plus combien de personnes sur Facebook qui avaient dit qu'elles allaient participer à cet événement-là, qui était donc partout au Québec. Puis je me souviens, on s'est dit, bon, ben nous, on avait fait quand même un cube québécois, puis tout, mais à un moment donné, on se dit, de toute manière, ce qu'on montre, c'est ça. Donc, on s'est dit, on a juste à faire notre job normal cette journée-là, mais il reste que... Puis là, on disait, les gens rentraient, puis bon, là, c'est où la section québécoise? Puis là, je pense qu'ils s'imaginaient qu'on allait leur montrer un petit îlot un peu caché, puis on était là. Ben, c'est ici, c'est là, c'est tout le fond là-bas, c'est le même là-bas. Et là, les gens faisaient... Oh, wow! Je pense que cette journée-là, sérieusement, juste pour ces moments-là, valait vraiment, vraiment... La première année, particulièrement, ça valait vraiment, vraiment la peine de voir les gens faire « OK, il y a tout ça, là. » Ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas à choisir entre 10 livres, mais qu'il y avait à choisir entre des milliers de livres, là. Non, ça, c'est pas un sacrifice non plus. C'est pas comme « Ah, oh, enfin, c'est un livre québécois. » Non, exactement. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choix. Ils sont très bons, là. Oui, c'est une littérature qui a explosé dans les dernières années, donc... Ouais. On a de quoi être fiers. Oh, que oui. Vraiment, là. Puis sinon, est-ce que cette année, vous avez des projets particuliers pour le 12 août, tant qu'à en parler? Présentement, non, on n'a rien de coulé dans le béton. Je ne dis pas que je vais peut-être inviter quelqu'un à venir passer la journée avec nous, mais ce n'est pas encore confirmé, donc j'en parlerai pas plus. Non, puis je vais t'avouer, là, pour d'expérience, là, parce que ça fait quand même la cinquième année, c'est une journée où on n'a pas le temps. C'est vraiment devenu... c'est une journée de Noël. Mm-hmm. Il y a 3 ans, ça a été notre troisième ou quatrième meilleure journée de l'année. Tu sais, c'est quand même énorme, là. Puis l'année dernière, je pense que c'était dans nos 5 meilleures journées de l'année. Donc c'est vraiment, en une journée, là, c'est vraiment intense. Puis c'est vraiment juste le fun. Puis je pense qu'il faut juste, au contraire de vouloir faire trop d'événements, journée-là, juste être présent pour faire la promotion de la littérature québécoise, ce qui est le but de la journée. Je pense que c'est juste ça qu'il faut qu'on fasse, puis qu'on fasse. C'est vraiment des super journées, là. C'est comme rendu. Moi, avant, j'étais tout le temps en vacances, autour du 12 août, puis là, ben, je suis plus en vacances, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment trop le fun de travailler. Oui, mais moi, l'année passée, j'étais libraire d'un jour à la librairie Morancy, le 12 août. Et le 12 août, c'est vrai que c'est fou, là. L'année passée, tous les employés de la librairie, puis c'est quand même une grande librairie, donc il y a plus que 5 employés là-bas. Exactement. Je pourrais pas dire combien il y en a, mais ils sont plus que 5, définitivement. Et tout le monde était là, tout le monde était dans le jus. Mm. Puis moi, en plus, j'étais libraire d'un jour, donc je recommandais des livres moi aussi. Mm. C'est sûr que je suis pas une libraire régulière, c'est que je peux pas utiliser la caisse, des choses comme ça, mais je suis capable de recommander des livres en masse, là. C'est que j'étais là en plus pour recommander des livres, et oui, c'était vraiment une très grosse journée. Toi, l'année dernière, ce qu'on avait fait, en fait, j'ai un ancien employé qui a publié, puis j'ai dit, ah, ben tiens, viens donc nous aider le 12 août, viens présenter ton livre, viens être libraire d'un jour. On a fait même chose que chez Morancy, en fait, viens être libraire d'un jour, mais elle, en plus, elle pouvait faire la caisse, c'était parfait. Ah, ben c'est ça. Mais moi, ils m'ont pas encore appris à faire ça, là. Ça fait quand même juste 4 fois que je suis libraire, là. C'est ça. Donc, c'est que je suis pas encore rendue là dans ma carrière de libraire d'un jour. Donc, tu disais que tu lis pas mal plus le soir, quoique un petit peu moins maintenant. Est-ce que tu es en train d'ajuster ton rituel de lecture? Bien, j'essaie, mais sérieusement, c'est difficile de changer des routines. Puis c'est... Bien, tout le monde, on le sait, hein, on se le fait dire, oh, j'ai plus le temps de lire avec Internet, plutôt. Donc, des fois, de reprendre un rituel, ce temps-ci, je le cherche. T'avoue, je le cherche très, très fort. Mais non, ça revient en même temps. Puis je me rends compte que celui qui me convient quand même le mieux... C'est avant de me coucher. Il faut peut-être juste que j'apprenne à changer mon heure de coucher. Je sais peut-être pas. Ça. Peut-être simplement ça. Là. Ouais. Okay. Ouais. Puis toi, au niveau de ton parcours, quand même, comme libraire aussi, tu as été présidente de l'Association des libraires et libraires du Québec. Association des libraires du Québec, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Tu as été présidente pendant combien de temps? Trois ans et demi. OK. Quand même. Puis c'était des années, là, aujourd'hui, c'est le fun, les librairies vont bien, librairie indépendante, justement, la cote, donc c'est vraiment très agréable. Mais c'était l'époque, en 2007-2010, quand je rompe pas dans les dates. Hein. C'est pas grave. Et c'était l'année où on commençait à parler du numérique, le numérique allait prendre toute la place, puis qu'on allait plus vendre de livres papier ou si peu. Je me souviens, je m'imaginais que j'allais finir par travailler dans une espèce de kiosque à journaux avec juste des choix de livres numériques. Puis on est vraiment t'imaginais loin. Ça? Oui, tout seul. Non, tu sais, dans les kiosques à journaux ronds, là. Oui. Moi, je m'imaginais travailler là-dedans, puis être toute seule toute ma journée, puis comme Je me disais, je me disais, c'est quand même important le conseil, mais comme ça va être en numérique, on n'aura plus besoin d'un gros espace. Donc, je vais être seule dans mon petit kiosque. Les gens vont venir me voir, je vais quand même conseiller des livres, mais ils vont les acheter en numérique. Je m'imaginais vraiment ça. Wow! Puis on s'entend que c'était pas l'année 80, t'imaginais ça, là. Non, non, c'est... Ça fait une dizaine d'années. Puis je me disais, dans le fond, ça va être pas pire, ça coûtera pas trop cher de loyer. Je voyais beaucoup d'avantages, dans le fond. T'es quasiment déçu, là. Non, vraiment pas. Mais, tu sais, pour te dire à quel point, quand j'étais vraiment très impliquée à l'Association des libraires, c'était vraiment cette morosité-là qu'on avait à vivre. C'était la fin des petites librairies aussi. On ne jurait que par les grandes chaînes, les Costco, les Walmart. Donc c'était sérieusement, c'est une super belle expérience que j'ai vécue. J'ai beaucoup aimé ça. J'avais été quand même 4 ans dans l'association, dans le CA avant d'être présidente. Donc j'ai quand même fait 8 ans en fait, parce que j'ai fait une autre année après comme vice-présidente. J'ai quand même fait 8 ans à m'impliquer. J'ai beaucoup aimé ça, mais à un moment donné, je me souviens, j'avais dit à notre directrice générale, j'ai l'impression d'être mais pas la générale de l'armée, parce que c'est pas tout à fait ça, mais d'être celle qui est à l'avant, qui reçoit les coups pour que ceux en arrière, ça soit moins tough pour eux autres. Puis c'est vraiment l'image que souvent j'avais l'impression, bon là, je reçois la mauvaise nouvelle, puis là, on va la retransmettre, mais on va l'adoucir, ou finalement, ça va être moins pire, ou on va réussir à trouver une solution. Donc, c'était des années franchement difficiles, là. Puis là, de voir, je me souviens, il faut qu'on change le discours, il faut qu'on fasse un discours positif. Il faut pas qu'on dise que les librairies vont mal, parce que c'est ce qu'on disait aussi. Il faut qu'on dise qu'on va bien, puis que c'est le fun, puis c'est le fun de venir chez nous, puis que c'est des vrais êtres humains, puis c'est... Puis heureusement, ce discours-là est devenu le discours qu'on dit encore aujourd'hui, mais ça... C'est ça. Ça a été des années très, très formatrices. Je suis vraiment contente de l'avoir faite. Mais j'étais contente quand ça finit. Mais tu vois, aujourd'hui, je m'implique dans la librairie indépendante du Québec. Okay. Je suis quand même dans le CA des librairies indépendantes du Québec, qui est le pendant plus commercial. Parce que ça, l'association, si on veut voir la différence, l'association des libraires, c'est celle qui nous représente dans les différents paliers du gouvernement. Mais à l'époque aussi, on se battait pour le prix unique. Là, on se souviendra, on a commencé à se battre pour le prix unique. On pourrait en parler un peu après la pause. Oui, exactement. C'est super intéressant. Donc, on se battait beaucoup pour ça. Tandis que la librairie indépendante du Québec, c'était plus le site Les Libraires, la revue Les Libraires. Donc, c'est le côté plus commercial, plus promotionnel du livre. Moins militant. Moins militant. Donc, je t'avoue que ça fait quand même du bien d'être sorti du militantisme. Oui, le site leslibraires.ca, c'est un site où est-ce qu'on peut acheter des livres. On choisit vraiment notre librairie, donc j'achète un livre en ligne, je choisis la librairie que je veux, qui traite ma commande, c'est livré chez moi, c'est tout sympathique, ça se fait super bien. Oui, puis on peut aussi, moi j'aime beaucoup le service de venir chercher en librairie. Oui. Donc, tu sais, il est 23 heures, on a envie d'un livre, mais notre libraire est fermé, tu sais, on peut aller sur le site, puis le lendemain matin, quand on ouvre, on voit qu'on a une demande, puis on le met de côté, puis on confirme qu'on l'a mis de côté, puis la personne, elle peut passer, venir le chercher quand qu'elle veut. Donc, moi, je trouve ça vraiment super comme site. Oui, puis en plus, je pense que les gens font le paiement en personne aussi, quand ils viennent le paiement en personne, puis c'est l'autre chose maintenant qui est super agréable. Depuis environ 6 mois, on a les stocks en l'inventaire en librairie, puis ça, c'est vraiment agréable. Même pour nous, des fois, quand des gens disent « j'en ai vraiment besoin rapidement, mais attendez, je vais vérifier où est-ce qu'il y en a dans une autre librairie à Québec », puis c'est vraiment, ça nous aide à avoir encore un meilleur service. Parce que dans le fond, vous n'êtes pas en compétition non plus. Ben, parce que vous êtes des entreprises, mais en même temps, si le livre, toi, tu ne l'as pas, puis la personne en a vraiment besoin. J'aime autant qu'il aille chez mes voisins, là, tu sais, tout à fait. Puis si je suis capable de lui dire, allez, faites pas 4 arrêts, puis vous allez vous faire dire non, vous avez des chances que ça soit oui, c'est celle-là. Puis tu as fait un bon service encore et ils vont revenir te voir. Exactement. Hey, Marie-Hélène, on va prendre une petite pause d'une petite minute. Restez là, bougez pas, on revient.